Éclair au chocolat, une fanfiction écrite et narrée par Mia, alias Mia Cusset. Quand Alana repense à son aventure en l'an 1990, elle repense à Jenny Kelly, sa première grande amie. Elle se remémore aussi la première fois qu'elle avait mangé des sucreries. C'était à l'école de Jenny. Jenny avait acheté 2 éclairs au chocolat. Dès qu'Alana avait goûté au sien, c'était le coup de foudre. Elle trouvait cela tellement bon et le sucre faisait un nouvel effet sur son corps. Il rendait Alana excitée et plus émotive. Alana a même volé celui de Jenny car elle voulait en manger plus. Seulement voilà, il n'y a pas de dessert et de sucrerie en l'an 3000. Alana n'en a jamais mangé de sa vie jusqu'à ce jour et son estomac a rapidement rejeté cet intrus. Alana a dû quitter un cours pour aller vomir à la toilette. Elle avait quand même tenté d'essayer d'autres choses sucrées, telle une barre de chocolat, mais à chaque fois elle tombait malade et elle vomissait. Alana n'a eu d'autre choix que d'abandonner les sucreries. En l'an 3000, la nourriture est constituée d'algues, de fruits et de cubes énergisants. Alana avait découvert les viandes, comme le poulet et le pain, en l'an 1990.